directement du mois d'octobre 98. Bienvenue à C'était fou. Bonjour et bienvenue à l'émission C'était fou, mon nom est Mathieu Plante. C'était fou a pour mission de se frayer un chemin à travers la grandiose discothèque de C'est fou depuis ses débuts le 7 septembre 97. À chaque fois qu'on se rencontre, une semaine est choisie. Cette fois-ci, c'est la semaine du 16 au 22 octobre 1998. On entendra des extraits des top 5 francophones et anglophones avec des artistes et des groupes tels que Groovy Aardvark, Mass Hysteria, Rob Zombie, Harum Scarum et Spackle. Alors, une belle heure de nostalgie pour les auditeurs de longue date et des découvertes pour les nouveaux et des découvertes pour moi parce que je suis arrivé à C'est fou en 2004, alors je ne connais presque rien avant ça. C'est ridicule comment je connais pas le début de C'est fou et j'ai hâte de le découvrir avec vous. Bon, on débute l'émission comme toujours avec nos top 5 franco et anglo. On va entendre du côté francophone Normand Lamour, qui était une nouvelle entrée à cette époque-là en cinquième position. C'est la pièce « Y'a lâchez pas ». On va sauter par-dessus la cinquième anglophone qui était « Feeder » avec « Descend ». C'est ça, on commence avec notre bon Normand Lamour. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. La poignée de porte. Il était venu me faire une petite visite. Il tenait la poignée de porte. Il tenait la poignée de porte. Puis à leur chapeau, la poignée, la poignée, la poignée. Il advirait sur tous les bords. La poignée, la poignée. Puis pipi parlait. Il y avait beaucoup de choses à dire. Ça faisait longtemps qu'il était pas venu. Et puis il voulait s'en aller. Et puis il parlait. Et puis il parlait. Et puis il parlait. Et puis il parlait. Il n'y avait pas encore entendu klaxonner le taxi à la porte. Il t'assure un petit peu. Il t'assure un petit peu. Et puis le taxi, il klaxonnait devant la porte. Puis lui y tenait, la poignée de porte. Il advirait sous tous les bords, la poignée de porte. Puis le taxi, il klaxonnait, puis lui parlait. La poignée de porte est à décourager. La poignée de porte, à vin chaud, elle se faisait brosser sur tous les bords. À Varaut, la poignée de porte, à Varaut, qui part. Elle aime à ben gros, la poignée de porte. Elle aime à ben gros, la poignée de porte. Mais à ma peau, la poignée de porte, quand il y a serré trop fort, la poignée de porte. et puis y a fini, et puis y a fini, et puis y a fini, et puis y a fini par s'en aller. La poignée de porte est incontente. La poignée de porte. Et musique. La poignée de porte. Ah! Ah! J'ai eu un appel d'un auditeur qui disait « Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. » Et moi de rajouter « Ouais, j'espère qu'on l'entendra pas avant un autre bout encore. Hein. » c'est Norman Amour avec « Il y a alors, je sais pas, la poignée de porte » qui était position numéro 5 du côté francophone pour la semaine du 16 au 28 octobre, au 22 octobre, pardon, 1998. On va aller directement au groupe français Merci Stéria qui était en quatrième position. Voici « Unique ». Vous êtes à « C'était fou ». Numéro 4. La formation française Mass Hysteria avec la pièce unique en position numéro 4 de la semaine du 16 au 22 octobre 1998. D'ailleurs, eux sont venus en spectacle, genre à Trois-Rivières, en première partie de Grimmskunk, et c'était présenté par C'est Fou en 1998. C'est bien, hein? 1998, ça fait longtemps, ça. Voilà donc pour Mass Hysteria, formation française, comme je le disais. Maintenant, on va sauter par-dessus quelques trucs anglophones, malheureusement. On a sauté par-dessus Feeder au début, en cinquième, avec Descend. En quatrième, ce serait Fret Blanket avec Super Cool. On va entendre Spackle avec You Got It All en troisième anglophone. Mais on va sauter par-dessus le francophone. Les Mauvais Quarts d'Heure avec Gaucher. Malheureusement, il y a des pièces qu'on n'a plus. Avec le temps, les CD s'envolent comme le temps. s'envole comme le temps. C'est bien dit, ça, je pense. Donc, Spackle avec You Got It All, un petit peu de funk, qui sont venus en spectacle deux fois à la Chasse-Galerie, juste à côté, ici, de notre studio à Trois-Rivières. Donc, Spackle, You Got It All, 89.fr. Even I could make the mistake of seeing this love thing where there's only a whole lot of fun. Baby, let's do the love thing, 'cause honey, it suits us. Lover, lover, lover girl, living in this plastic world, spinning like a mirror ball, on and on and on and on. And sure, things, they fall apart, and sure, it really breaks your heart. But sometimes, baby, all your fantasies become real. And that's my cue to step into the fantasy we call life. You see, I conclude that you want me, and I want you. It feels just like the world turns a slow groove. I think I better hold you tight. Tonight it feels just like the world turns a slow groove. I think I better hold you tight. Wait, go slow. I know it feels good, it's supposed to. Gently swaying back and forth when I love you, girl. It's body, mind, and soul. 'Cause baby, when I love you, mess around with you, getting off in the ride on. Baby, gonna make you feel so fine. Tonight it feels just like the world turns a slow groove. I think I better hold you tight. Tonight it feels just like the world turns a slow groove. I think I better hold you tight. Tonight it feels just like the world turns a slow groove. I think I better hold you tight. Baby, don't you know by now, I know how to make your body move. Slide into the mood now, I know how to get into your groove. Avec la pièce You Got It All en position numéro 3 anglophone de la semaine du 16 au 22 octobre 1998. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission C'était fou où on rembobine, c'est fou. Avant ça, on a sauté par-dessus les mauvais quarts d'heure avec Gaucher. On va aller à nos deuxièmes positions. Du côté francophone, on va entendre Groovy Aardvark et à l'époque, on me dit qu'en 98, c'était très très très populaire. Ça avait beaucoup de succès. L'album Oryctérop de Groovy Aardvark, des pièces comme Télétargique et Bulle Envole-toi. On va entendre par contre l'extrait Au Pharmaciel qui lui aussi était un grand succès. Disons que C'est fou était très heureux. Ou heureuse, dépendant de comment vous voulez, quand on recevait un nouvel album de Groovy Aardvark. Du côté anglophone, il va y avoir Harum Scarum avec So Blind, groupe canadien, ça, Harum Scarum, accessible, on me dit très très formaté radio. Donc j'ai bien hâte d'entendre ça, mais pour l'instant, Groovy Aardvark Au Pharmaciel à C'était fou au 89.1 FM. numéro 2. La formation canadienne Harum Scarum avec So Blind en position numéro 2 anglophone du palmarès de la semaine du 16 au 22 octobre 1998. On m'avait dit que c'était accessible. C'est vrai, mais c'est le bon genre d'accessible que j'aime. Je trouve ça très bon, Harum Scarum. Avant, c'était Groovy Aardvark avec Au Pharmaciel, le numéro 2 francophone, toujours dans la semaine du 16 au 22 octobre 1998. C'est la semaine qu'on a choisie pour C'était fou, l'émission qui rembobine, c'est fou. On est rendu à la fin de ce palmarès, en tout cas le top là. Numéro 1, anglophone, c'est Rob Zombie avec Dragula, mais avant ça, on débute avec Big Sugar, et la pièce, c'est moi qui règne, et encore une fois, je l'ai dit au début de l'émission, mais cette semaine-là, en 98, là, j'étais pas encore arrivé à C'est fou, moi. Donc, je connais absolument rien, j'ai très hâte d'entendre Big Sugar du côté francophone. C'est moi qui règne, 89 FM. tu clatais. T'as trop peur d'essayer. Ton fantasme, je n'y suis pas. Pour ton plaisir, je suis là. Envers les corps de tout. Rocky! Les positions numéro 1 des deux côtés pour la semaine du 16 au 22 octobre 1998 à C'était fou, l'émission qui rembobine, c'est fou. Du côté anglophone, on vient d'entendre Rob Zombie avec Dragula. Et du côté franco, c'était Big Sugar avec C'est moi qui règne. Voilà, beau petit bloc de première position. C'est la fin de la première moitié de cette édition de C'était fou, mais on se retrouve de l'autre côté avec une deuxième partie remplie de d'autres pièces. On va entendre, entre autres, Caféine, Alaska, Rose Nocturne, Killjoys, Appleseed, Cast et plus dans C'était fou au 89 FM. Alors, restez avec nous. Bonjour, c'est la deuxième partie de l'émission C'était fou pour la semaine du 16 au 22 octobre 1998. Je vous rappelle que C'était fou, c'est l'émission qui rembobine C'est fou. Donc on recule en arrière à travers l'histoire de la Radio Campus de Trois-Rivières. Radio qui a commencé en septembre 1997. Donc on est dans la deuxième année de la radio. C'est très très tôt, ça fait très longtemps. Oui, je sais. Et même moi, aujourd'hui, je me sens privilégié, je vous dirais. Parce qu'à l'habitude, dans C'était fou, on passe des affaires semi-récentes. C'est 2004, 2006, des trucs comme ça. Et puis ça, je m'en rappelle. Ça me rappelle les souvenirs. Je suis comme, wow, je me rappelle, c'est bon, cette chanson-là. Puis tu sais, c'est des affaires qu'on entend encore aujourd'hui. Alors que ça, 98, là, c'est vraiment beaucoup avant moi. Et beaucoup peut-être avant vous aussi, je sais pas. Peut-être que vous écoutiez pas ces fois à ce moment-là. Si vous l'écoutiez, ben félicitations. Moi, j'apprends avec vous. Je découvre avec les nouveaux auditeurs. Voilà. Alors, on va passer un petit moment dans le côté francophone. Cette fois-ci, on va entendre les positions 6 et 7. Tout à l'heure, on va avoir Alaska avec Marie-Jeanne. On débute avec Rose Nocturne. Voici le mitard entre parenthèses Mesrine sur C'est fou. À l'émission, c'était fou. Oui, madame. Nous tournons des milliers de pas qui ne mènent nulle part. Dans un monde de béton, aux arbres de barre, aux fleuris, fleuris de désespoir. Inhumain, rétréci, sans aucun lendemain. Sa pitance est lissée sous une grille à terre et dans un bol lourd pour qu'il se désaltère. Il est seul, sans soleil. We'll be right back. à terre et dans un bon lot pour qu'il se désaltère. Il est seul, sans soleil. De l'hymen aux îles, ce jour de septembre l'on cesse. Vous existez si peu que je m'étais, mais pas les femmes. De l'hymen aux îles, ce jour de septembre l'on cesse. Vous existez si peu. Je vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, en voilà une erreur. Mais c'est un homme, madame. Il est emprisonné. les garçons, pour la plupart, ce sont des gens. Ils ont tous autour de ma blonde, sans même savoir comment la prendre. Mon vieux, si tu veux la baiser, passe-moi sur le corps, viens m'écraser. Oui, je t'attends, j'ai des couteaux deux dans les yeux, y'a un bouton d'eau. Me revoilà en train de me faire des idées. Mon Dieu, que je suis violent, mon Dieu, que je suis tanné. Vieux vicieux, on jaillit de tout cas, avec tes yeux de vieux vicieux. Caféine avec la pièce Vieux Vicieux, position numéro 9, francophone pour la semaine du 16 au 22 octobre 1998. Vous aurez compris que vous êtes à C'était Fou, l'émission qui rembobine C'est Fou. Et vous aurez compris aussi que Caféine, ben, ça jouait ici avant partout ailleurs. Hein. Avant tout le monde, c'est nous qui avons commencé avec Caféine. Avant Caféine, c'était Alaska avec Marie-Jeanne. Alaska qui est une formation trifluvienne, une formation locale, un groupe de ska survolté, énergique, intense et francophone, nous dit-on. Mais par contre, ils n'ont pas su passer à travers l'épreuve du temps parce que ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, petit fait intéressant, il y avait le chanteur de la formation Alaska qui a déjà animé ici même assez fou. C'est super. Au début du bloc, c'était Rose Nocturne avec le mitard entre parenthèses Mesrine. C'était la position numéro 6. On doit se dépêcher. On arrive près de la fin de cette édition de C'était Fou. On va retourner du côté anglophone et on commence avec Kiss. Voici Psycho Circus au 89.1 FM. C'était fou. done. The amplifiers start to hum. The carnival has just begun. Okay, c'est Psycho Circus, la pièce titre de leur album qui date de 1998. Vous êtes dans C'était fou, l'émission qui rembobine C'est fou pour la semaine du 16 au 22 octobre 1998. D'ailleurs, cet album-là de Kiss, Psycho Circus, c'était le retour de Ace Frehley et de Peter Criss. C'était du nouveau matériel pour la première fois depuis les années 70. Ça a d'ailleurs été le point de départ de la tournée Psycho Circus en 3D. Tournée de spectacle en 3D. C'est Justin Bieber, avec son film en 3D, avec son spectacle. Ça, c'était vraiment un spectacle en 3D dans la salle avec des lunettes. Ça devait être incroyable. Voilà, ben c'est tout pour cette édition de C'était fou. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre semaine choisie au hasard. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les notes de l'émission et télécharger les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Je remercie le directeur de la programmation et directeur musical Alain Lefebvre pour son aide à la recherche. Je m'appelle Mathieu Plante et je vous dis encore une fois, c'est pas parce que l'émission s'appelle C'était fou que celle n'est plus. Hein? On se quitte avec un énorme succès de 1998, avant moi, donc je dis succès, c'est ce qu'on m'a dit. On écoute Soul Coughing, qui était en 13e position anglophone avec Circles, et à la prochaine fois, bye! Walk around in circles.